Salut Charline. Vous savez quoi? Ouais. J'ai un cadeau pour vous. Ah, j'adore les cadeaux. C'est pour qui? C'est pour le bureau. Ah, qui ouvre? Bah moi. Disons que ouais, comme les cadeaux c'est pour les enfants. Ah ouais, bah Alex. Oui, j'ouvre. Allez, chouette, chouette, chouette. Ouh, un jeu de fléchettes, j'adore. Un jeu de fléchettes. Mais pourquoi? Une fléchette pour le bureau. Mais on venait de confisquer la balle magique de Guillaume. Non, mais écoutez, les fléchettes, ça va détendre tout le monde. Ah non, pas sûr. Non. Charline, quand t'auras des gosses, est-ce que tu vas leur offrir un tambour? Ça non, peut-être pas, non. Bon, bah voilà, là c'est pareil. Ah mais non, mais les fléchettes, ça ne fait pas de bruit. Ah mais c'est dangereux. Mais non, écartez-vous, ouvrez les journaux, on va choisir un sujet aux fléchettes. Voilà. Non, ça non. Ah non. Oh, et ça serait pas la première fois qu'on choisit un sujet au hasard. Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Non, rien. Ah non, non, écoutez, moi je suis pour le divertissement dans l'exigence au travail. Alors je veux bien essayer de rendre la vie du bureau plus agréable, mais c'est sans concession sur le boulot. Hein. Mmh. Elle disait ça pour rire. Non, mais ça ne me fait pas rire. Voilà, okay, on fait des cadeaux aux gens, puis voilà comment on est remercié. Oh, bah, pardon. Non, ça c'est trop facile. Hein. Alors, je vais vous laisser une heure avec les journaux et les fléchettes. Alors faites ce que vous voulez, mais quand je reviens, je veux trois bons sujets. Voilà. Eh ben... Ah, cool. Quelqu'un a la photo de Charline? Bah ici, pourquoi? Ah, comme ça, on va commencer par les fléchettes. Ah ouais, double point dans les lunettes. Alors j'y vais, je l'en... Ah. Ah, non, par terre. C'est dans un journal, c'est bien. Ah oui, non, mais c'est le chasseur français. Ah bah, on a un sujet. Bonjour, la France Inter, meilleurs vœux à la France entière. Et bienvenue dans l'émission qui n'a que des mauvaises résolutions à vous proposer en termes d'actualité. Pour vous accompagner en cellule de dégrisement, nous passerons la première demi-heure en compagnie de François Berléand, qui nous parlera de l'arène politique mise en scène dans les émissions de Laurent Ruquier. Ensuite, nous serons accompagnés de Marthe Villalonga. Elle tente de réagir à l'arrivée prochaine de François Hollande sur le réseau social Snapchat, ou réagir à Jean-Pierre Foucault, qui a soutenu Christian Estrosi. Oh, quel beau programme pour commencer l'année. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Charlotte Van Dakar et bonne année. Je suis désolé de vous le dire, c'est comme ça, c'est la règle. Le 1er janvier, on se dit bonne année. Mais oui, ça me fait plaisir. Meilleurs vœux aussi. Ah, voilà. Et meilleurs vœux aussi de chute pour toutes vos blagues et vos sketchs. Oh là là, ça peut pas être pire qu'en 2015. Le programme de fête que je vous ai concocté. Thomas VDB, Actualizic, ça c'était obligatoire. Il nous parle d'un chanteur inattendu, le pape François. Ah. L'occasion de parler rock catho. Donc ça, je pense que pour un 1er janvier, c'est une bonne idée. Si je vous dis Guillaume Meurice et lobby du pétrole, vous vous dites rigolade. Eh bien, ce sera le cas. Objectivité. Et objectivité, bien entendu. Et enfin, Juliette Arnaud, qui là est restée coincée dans un gyroboam de champagne. Nous avons, cela dit, déterré. Faut mieux ça que le contraire. Voilà. Je ne vous le cacherai pas. Nous avons déterré de ses chroniques où elle parle des grandes actrices hollywoodiennes. Un livre qui s'appelait Portrait d'idole. Mais non, on n'est pas bourré. Allez, on démarre puis ça. La première émission du Cru 2016. Sur France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Si tu écoutes, j'annule tout. Ah, oh, et pour bien démarrer cette année... Oui, vous avez fait une blague grivoise. Hein? Je m'en suis bien rendu compte. Bah non. Pour démarrer cette année. Pour bien démarrer cette année, eh bien, accueillons François Berléand. Il est sur les planches à Paris jusqu'à demain et il vit un énorme succès. Oui, et d'abord, je vais vous demander, mais pourquoi vous êtes là, François Berléand? Vous n'avez plus besoin de promo. Vous êtes le seul spectacle qui refuse du monde à Paris. Mais oui, mais on m'a dit que l'émission était très très amusante et que ça c'est une bonne réponse. C'est pour ça. Mais c'est vrai que c'est, pour l'instant c'est drôle, tout va bien. Ok, tout va bien. Vous êtes, bah, ça n'empêche pas de parler. Et vous savez quoi? Et vous savez quoi? Pas la pression. Je vais essayer d'encore vous faire refuser du monde parce que vraiment c'est très très très drôle. J'adore l'écriture de Sébastien Thierry. Moi, je connaissais de Dieu habite Düsseldorf, ce qui était déjà une belle tentative puisque après évidemment Jacob van Dormael a prouvé qu'il habitait Bruxelles en fait Dieu. Mais donc pour ça c'est pas clair. Et je trouve que c'est le renouveau du boulevard parce que ça rit beaucoup et tout le temps, mais c'est très contemporain parce qu'il y a de l'absurde dans déjà le pitch de départ. Je vous laisse peut-être le raconter une fois de plus. Ah, parce que c'est moi qui dois tout faire en plus. Le pitch, comme ça vous allez bien le faire. Le pitch, oui, le pitch, bah, ce sont deux, un couple de sexagénaires qui font leur course dans un supermarché. Là, il y a quelqu'un qui leur vole leur caddie. Ils rentrent chez eux et là, il se trouve que leurs courses ont été livrées. Oui. Par et qui, par quoi, là, par une personne est-ce qu'on dit très particulière, très particulière, qui pense en tout cas avoir un lien de famille voilà, avec qui vous. Qui pense avoir un lien de famille, il se dit être notre fils. Voilà, ça on peut le dire parce voilà, que c'est dans le début dire, de la pièce. Alors le problème évidemment, c'est que c'est pas notre fils. Qu'il a 42 ans. Voilà, qu'il a 42 ans. Bon, ça peut être possible. Oui, encore. oui, c'est vrai. Mais enfin bon, voilà. Ni l'un ni l'autre a l'air de se voilà, souvenir potentiellement d'avoir voilà, un enfant. Le problème c'est ça, oui, c'est qu'il se trouve que nous sommes des enfin, elle, ma femme, Muriel Urbain, cadre supérieur, et moi, un pharmacien, donc j'ai quand même quelques références en médecine qui font que, normalement, si j'ai un enfant, je le sais. Voilà. Et donc, il y a débat quand même sur... Et voilà, et notre fils, ce garçon, voilà, ce garçon se prétend être notre fils, et c'est un vrai, vrai problème, parce que ma femme, évidemment, pète un tout petit peu les plombs, et elle se trouve une maternité, et ça l'arrange parfaitement. Votre femme qui est Muriel Robin. Muriel Robin. Et d'ailleurs, là, j'ai quand même envie, est-ce qu'on vous a peut-être déjà fait la remarque, mais de Funès-Bourville, clairement, le duo. Ah, si. Et je vous dis pas qui est de Funès et qui est Bourville, mais. Ah non, il y a un duo formidable, parce que, évidemment, Muriel Robin est dans du Muriel Robin, mais ouais, avec tout ce qu'on aime. Et François Berléand est un petit peu à observer en réponse, et ça marche hyper bien. Est-ce que vous vous doutiez de ça? Est-ce que c'est pour ça aussi que vous avez accepté la pièce? Parce que ce duo fonctionne excessivement bien. Oui, mais non, on ne peut pas savoir avant. On n'avait jamais travaillé ensemble avec Muriel. C'est vrai que c'est une comédienne de One Woman Show. C'est pas simple ensuite d'aller au théâtre. Elle l'a fait, hein, elle a fait le Conservatoire National. Oui. Donc c'est pas la question se pose pas. C'est une très grande actrice. Mais bon, reste à savoir si elle allait jouer le jeu, si puis ça, surtout, ça allait bien s'entendre au niveau du théâtre, quoi. Comment travaille le diapason? Parce que elle est dans du tout léger sur jeu, parce que du Muriel Robin. Et vous êtes en contrebalancement de ça. Oui. Est-ce que ça se travaille? Est-ce qu'on dit en faisant un tout petit peu plus, moi j'en fais un tout petit peu en fait, moins? En fait, voilà, on est en contrepoint, puis il se trouve que la pièce, les personnages s'inversent. C'est-à-dire que elle, au départ, on voit que c'est une femme un petit peu hargneuse, allez, disons-le, nerveuse, nerveuse, etc. Ouais, voilà, parlant fort, etc. Moi, je suis un peu lâche, comme beaucoup d'hommes. Et puis, il se trouve qu'au fur et à mesure de la pièce, les rôles vont s'inverser, puisque comme elle se découvre une maternité sur le tard, en fin de compte, elle va se calmer de plus en plus. Et moi, qui ne suis absolument pas père et qui sais que j'ai raison, là, par contre, je vais m'énerver de plus en plus. Donc, c'est, les rôles vont s'inverser, c'est assez rigolo à jouer, et c'est vrai qu'on joue à chaque fois en contrepoint de l'autre. Je suis le vampire de l'amour. Je dois embrasser tous les jours pour rester en vie chaque nuit. Je dois embrasser pour toujours. Oh vampire, vampire de l'amour, chaque nuit sous ta peau mon ombre se petit se divise. Mon ombre, je pars en confetti. Vampire, vampire de l'amour. Vampire, vampire de l'amour. Chaque nuit sous ta peau mon ombre se petit se divise. Mon ombre, je pars en confetti. Ça tombe bien pour un 1er janvier, quand on en a jusque-là. Vampire de l'amour, et allez, on ne perd pas les bonnes habitudes, on parle politique avec François Berléand. Et pour rendre le sujet plus digeste, on va dire, surtout aujourd'hui, on va évoquer avec lui les liens entre la politique et la littérature. La littérature nous intéresse quand elle nous permet, par le mensonge littéraire, d'être plus près de la vérité. C'est-à-dire que oui, il faut mieux se promener et coucher avec une super danseuse que de se taper du Baudelaire, oui. Est-ce que Fabrice Fluchini n'est pas un peu proche de la vérité en se disant finalement il passe peut-être plus de temps le soir à se taper une danseuse que... C'est une actrice. C'est une actrice, lire, une actrice qui a lire... voilà. Alors il y a un papier dans Marianne cette semaine sur la haine de la littérature qui est le titre d'un essai de William Marx. Et l'article explique notamment, alors il y a un montage, photomontage de Nicolas Sarkozy qui lit oui. Ouais, c'est pas gentil. Non, ouais. Ça, je suis d'accord. Ça, les gens qui se moquent de Nicolas Sarkozy, ça, c'est pas bien. Oui, c'est pas bien. Cet article dans Marianne explique « Dans un pouvoir démocratique, on reproche à la littérature d'être élitiste. » Alors, pour sembler proche du peuple, il vaut mieux pas citer les auteurs. Vous trouvez-vous que c'est élitiste quand vous êtes dans les émissions de télévision, etc. Si vous citez un auteur, vous vous sentez en décalage ou Non, c'est pas mal je ne cite jamais d'auteur. Moi, parce que je n'ai pas la mémoire des phrases, à part quelques-unes, mais c'est vrai qu'il faut avoir la mémoire en plus. Oui, ouais, mais... Ouais. Les politiciens qui lisent peu ou qui oui, voilà, mais y a pas que les politiciens qui lisent. Je crois que c'est une époque où on lit de moins en moins, malheureusement. Vous savez, moi j'ai écrit un livre. Je vous demande pas. Oui, on va bien en parler. En 2006. Non, mais on s'en fout. C'est pas ça. Ouais. C'est quoi j'ai fait. J'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, ah, oui, oui. C'est un exemple extraordinaire. Ça, je suis dans cette raconter. Même maison à France Culture. Donc, vous voyez. Oui. Et puis je suis interviewé par quelqu'un qui donc dont c'est le métier d'être critique littéraire. Et je me rends compte au bout d'une minute qu'il n'a pas lu le livre. Bon. Alors, ça, c'est assez traditionnel chez les journalistes parisiens. Oui, mais alors, pourquoi voulez-vous que les politiques lisent des livres si les critiques littéraires dans ces métiers ne le font pas? C'est difficile de leur reprocher. Donc, c'est pour ça que c'est un peu compliqué de. Après, il y a des politiques qui adorent lire. Hein. Juppé est un grand lecteur, Bayrou est un grand lecteur. Il y a quand même, Dieu merci, des gens qui lisent. Mais après, il faut avoir le temps aussi. Et entre lire et citer, parce que est-ce que quand vous entendez un politicien dire oui, comme disait Kierkegaard, est-ce que vous vous sentez plus conclu ou est-ce que vous dites tiens, bah, il va m'instruire au final? Non, parce que là, je pense que c'est vraiment les gens communicants. Tiens, si tu peux, si vous pouvez, Monsieur le Président, citer Kierkegaard, pas trop Kierkegaard, parce que c'est bon, vous allez lâcher là. Non, mais en général, enfin, c'est rare que des. Si, à part justement les vrais, le maire, enfin Oui, alors lui, il est réputé pour avoir une jolie plume. Voilà, Bruno une jolie Le Maire, plume. C'est vrai. Ou Christiane Taubira qui cite souvent des auteurs, qui fait des références à des livres. Est-ce que ça la rend plus crédible ou plus rassurante ou plus sympathique? Je ne sais pas. Christiane Taubira qui là transparaît quand même fine lettrée par rapport à. Oui. Non, mais ils sont tous lettrés quand même. Faut pas exagérer. C'est pas non plus des. Fleur Pellerin a avoué qu'elle lisait pas depuis un moment. Elle a pas lu Modiano. Bon, il y a pas qu'elle qui. Pas que à mon avis. Non, mais c'est sûr. Non, mais c'est ouais, certain. Ouais. Voilà, Chirac n'est pas un grand lecteur. Hollande, je pense pas que ce soit un grand lecteur. Bah, ça l'a été peut-être. Hein, c'est pas la question. Il passe tellement de temps dans les médias. Bah oui, donc voilà, c'est ça le problème. C'est qu'on lit quand. Aussi quand Lefebvre dit moi je lis Zadig et Voltaire, les gens se moquent. Ah bah oui. Ou Sarkozy dit 1793 ou voilà ce jeu. Mais les gens sont. Mais déjà s'ils pouvaient lire les titres correctement, après on passera au contenu. Ouais, mais Demain... Zadig et Voltaire parce qu'il avait vu la pub juste avant. Ah bah c'est sûr que ça doit être de là que ça vient. C'est de là que ça vient. Enfin, depuis il avait Ressa Cuti, hein, Lefebvre il est passé à gauche donc enfin mentalement. Enfin bon soit. Ah bon. Oui si il a dit qu'il comprenait la gauche que si c'est pas pareil, est en train hein. De virer. Oui, mais si je vous assure, c'est un début. Il a brillé. On l'invitera, tiens, pour lui poser la question. Thomas VDB. C'est moi. Oui, alors que se passe-t-il? Je propose qu'on parle tout de suite d'un peu d'actualisique. Oui. Actualisique, musique, actualité. Actualisique, c'est la fin de l'été. Un air monotone pour le tout premier vent. Vendredi de l'automne avec François Berléand. C'est de plus en plus beau. Faut le dire à notre invité, sa spécialité c'est le jingle de lancement de la chronique. D'accord. Ça, c'est, il a l'air épaté. Alors, vous savez, moi, dimanche dernier, je sortais de la messe. Et là, il y a Gonzague qui vient me voir. Gonzague, un des jeunes qui anime les chants pendant la messe et qui m'interpelle comme ça sur les marches de l'église. Il me fait Thomas, tu as écouté le disque de Pape François? Oh, moi, je attends, mais comment Pape François a sorti un disque? Du coup, je rentre chez moi parce que j'adore le rock. Et là, direct, je vais sur le site d'actu du Pape, papoté.fr. Toute l'actu de la papauté. Je veux dire que ça papote sur le forum. Hein, ça papote, papoté. Et c'est la vérité. Le Pape sort bien un album de rock. Ouais, Pape. Voilà, vraiment, on est ravis. Et c'est un événement à plusieurs niveaux. Hein, déjà parce que des chanteurs de rock qui s'appellent François, il n'y en a pas des masses. Hein, par peut-être François Valéry ou François Feldman. Et puis le rock. François de Gelt. Hein, François de Gelt aussi. Qu'on embrasse, bien sûr. C'est pas Jean-François. C'est bon, c'est une nouvelle chanson. L'essentiel, évidemment, de me laisser parler. Alors, évidemment, le rock catholique, on adore. Mais c'est vrai que dans l'ensemble, il n'y en a pas beaucoup. Il y a bien eu Sœur Sourire qui s'était suicidée comme Kurt Cobain. Mais dans l'ensemble, le rock l'Europe catholique, c'est un style peu pratiqué. J'ai un petit peu comme le funk bouddhiste, hein, peut-être la country musulmane. Alors, donc Pape François sort un disque. Alors vous allez me dire pourquoi pas. Sauf que attention, j'ai écouté le bidule. Et là, à ce moment-là, moi aussi j'ai une question, c'est pourquoi, hein, parce que c'est pas vraiment du rock au sens du terme. Je pense que le mieux est peut-être qu'on écoute ensemble quelques extraits. Voilà, donc ça, c'est ce qu'on écoute, c'est le vrai morceau de Pape François, ça s'appelle Wake Up. Alors, faut savoir qu'on l'a mis là, mais en fait, il était déjà commencé depuis 30 secondes. Et ça monte. C'est une reprise un petit peu de la petite bête qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, qui monte, et il redescend. Alors, maintenant, imagine en concert, Pape François qui chauffe sur le bord de la scène, là. Pape François, il est là avec les enfants de cœur qui sont prêts à côté. Et là, on se dit, Pape François, il va monter sur scène, et là, il chauffe sa moto, il est prêt à y aller. Attention, Pape François! Et là, Pape François arrive! Pape François! Salut Vatican, ça va? Les enfants de cœur qui font la roue et tout ça, les filles qui s'évanouissent, je parle bien sûr des groupies de Pape François. Alors on peut couper parce que là il faut savoir qu'on en est à 1 minute 20 du morceau et on n'a toujours pas entendu la voix de Pape François. C'est bien l'intro. Ni la voix de Dieu. Oui. Je propose qu'on avance un petit peu plus loin dans le titre à la découverte de la voix de Pape François. Alors, on est toujours dans le même morceau, on est passé complètement à autre chose. C'est toujours le morceau de Pape François. Hein, je pense qu'apparemment, il avait un pote trompettiste qui voulait absolument faire participer à l'enregistrement. Mais attention, parce que là, Pape François va commencer à chanter. Pape François, c'est à toi. Wake up. Wake up. Voilà. C'est minimaliste. Ça, c'est, le... ça, c'est Pape François qui parle, en fait. En fait, ils ont juste enregistré une conférence de Pape François. Et ça continue comme ça pendant encore deux bonnes minutes. C'est ça qui est génial, je trouve, dans le fait que... Ce qu'il dit, là. On comprend pas. Je pense que lui-même ne comprend pas ce qu'il dit. Alors, c'est du slam. Mais c'est du slam. Ouais. On n'est pas loin de l'univers de Grand Corps Malade. Hein. Voilà, ils ont juste fait parler quelqu'un. Ils ont rajouté des guitares avec une truelle. Voilà, c'est ça qui est génial dans le fait que Pape François, il sort un disque de rock. C'est si ça se trouve, il est même pas au courant qu'il sort un disque de rock. Hein. Quelqu'un l'a enregistré, il l'a mis comme ça. Donc tout le monde se dit, mais attends. Personne ne chante sur le disque de Pape François, eh bien ce serait sans compter sur, sans l'arrivée pour le moins surprenante, après 4 minutes de musique, tout en haut d'une montagne, d'un chanteur. Alors, dites-moi si je me trompe, mais moi à la voix, je pense. Alors, franchement, je pense que c'est Jésus. Alors, on écoute, vous me dites si je pense que c'est Jésus. On peut renvoyer tout de suite la musique. Donc, parce que là, Pape François, évidemment, est toujours en train de lire son texte. On en est à 4 minutes 02. C'est bien la voix de Jésus qu'on entend. Oui. Bah, évidemment, c'est évident. Du haut de la colline. Voilà, si vous savez vraiment, je vois que François Berléand a l'air de dire oui, je crois bien que c'est Jésus. Voilà, je pense que le mieux, si vous connaissez bien la voix de Jésus, eh bien confirmez-moi tout simplement par email. Ça gagne le tout. Pour conclure, évidemment, j'aurais félicité le pape. Et puis pour ceux qui ont vraiment aimé les extraits qu'on vient d'écouter, eh bien j'ai une bonne nouvelle pour eux, l'album sort en novembre. On va se régaler. Merci Thomas VDB, on est toujours en compagnie de François Berléand jusqu'à 18h. On va traiter avec vous le deuxième sujet. Demain soir, comme chaque semaine, la grand-messe politique du week-end, elle a lieu chez Laurent Ruquier sur France 2. Nadine Morano y a explosé en vol samedi dernier. Alors, y aller ou pas, quand on est responsable politique, demain c'est Claude Bartolone. Il se prépare avec ses communicants, justement, de la même manière qu'un réalisateur de film à gros budget. Bon Simon, va falloir me le vendre ce film, hein. Trouver des gimmicks, des phrases choc. Quel genre? Bah genre des phrases choc, quoi. Quel genre? Genre des phrases choc. Ah, c'est la cité de la peur. Alors, cette question, ça doit être une question importante parce que ça fait l'objet d'une page entière dans le quotidien L'Opinion aujourd'hui. Voilà, politique spectacle, se lever ou pas pour On n'est pas couché. Alors, il y a tout un tas de rendez-vous politiques le week-end. Les politiciens, ils bossent le week-end, même le dimanche, hein, c'est là, du matin au soir. Oui. Mais c'est chez Laurent Ruquier qu'il faut être pour créer l'événement politique. Il y a 3 millions de téléspectateurs. Vous avez déjà participé à l'émission Laurent Ruquier à plusieurs reprises, bien sûr, oui. François Berléand. Alors, ça vous plaît, vous, de voir nos élus dans ce cadre-là, sachant qu'ils ne participent pas à toute l'émission, mais qu'ils sont mélangés à un certain moment avec des artistes comme vous. Oui. Est-ce qu'il en sort quelque chose? Est-ce que, sous votre regard, ça apporte quelque chose? Bah, oui, je crois l'important pour un politique, c'est qu'on parle de lui. Voilà, faut être là, faut être présent. Alors, après, je ne sais pas si cette émission-là, si elle est parfaite pour eux. En tout cas, elle est parfaite pour Laurent Ruquier. Enfin, Nadine Morano est parfaite pour Laurent Ruquier. Voilà, ça fait un buzz formidable. C'est ouais. Voilà, elle est tombée dans le panneau. Le buzz l'éclaire, même. Voilà. Oui, mais en même temps, partout où elle va, c'est comme ça. Donc, ouais. Quand elle va quelque part, on sait qu'elle va dire une connerie. Donc, après, elle assume. Ou pas, d'ailleurs, parce qu'après, Sarkozy m'a pas appelé. François Fillon dit que le succès de ces émissions est proportionnel à l'abaissement des responsables publics qui s'y rendent. Donc, vous n'êtes pas tout à fait de son avis, vous êtes plus mitigé, ça ne vous non, heurte pas de les voir. Non, mais il a raison aussi. Moi, je pense que franchement, un politique devrait plus aller au journal de Delahousse, par exemple, du 13h de dimanche ou du 20h30, que dans ce genre de grand mission. Parce que c'est vrai qu'on se retrouve avec des gens qui sont pas du même niveau. Enfin, on vend pas la même chose, quoi. Nous, on vend du théâtre, on vend un disque, on vend je sais pas quoi. Enfin, mais eux, la politique, elle se vend pas comme ça. Enfin, ça se avec vend de pas la trop. Langue de bois. Mais vous, bonne soupe et de la langue de bois. Vous, en tant qu'artiste, est-ce que ça vous plaît de rencontrer les politiques? C'est l'occasion de les interpeller aussi sur un plateau de télé? Non, jamais je me permettrais. Non, c'est vrai. Non, mais la politique, c'est devenu très médiatisé, mais c'est quand même un métier très sérieux, quoi. C'est notre avenir qui est là. Et je trouve que quelquefois, voilà, les dérapages, tout ça, ça m'affiche. Des fois, ils vous piquent le spectacle, hein, ça. Non. Enfin, oui, non, c'est même pas ça. Non, je trouve ça un peu. Ce qu'on a entendu dans l'extrait, des gens qui vous donnent des phrases à dire. Des phrases choc. Nous, on pense évidemment que chez les politiques, c'était évident, mais est-ce que votre attaché de presse vous dit, alors ça serait bien que tu le présentes comme ça, cette phrase-là, c'est bon, c'est. Non. Vous êtes un bon vendeur. Vous n'avez pas de spin doctor. Non, mais moi, je peux quelquefois déraper comme Murano, comment elle s'appelle? Modiano. En tout cas, sachez que François Hollande et Nicolas Sarkozy ne s'y sont jamais rendus et que François Fillon ou Alain Juppé ou Jean-Pierre Raffarin ne désirent pas y aller. Le troisième sujet avec vous, François Berléand. Voici la pire application qu'Internet ait connue. Ça s'appelle People, pour noter son entourage. Amis. People. Comment vous écrivez ça, People? P-2-E-P-L-E. Ah, c'est pas français. Il y a une page dans Libération aujourd'hui à ce sujet. Donc, pour noter amis, collègues, voisins, une note de 1 à 5 au moyen de petites étoiles. Je rappelle qu'il fut un temps pas si lointain où mettre une étoile sur les gens, ça n'était pas très bien perçu. Heureusement, cette fois, ce n'est pas possible en France, mais bien aux États-Unis. La France qui, pourtant, dans la notation, fut précurseur. On donne une note à la petite de Saint-Chinian. 9, 8, 10, 5, rajoute. 5, 10, très bien, parfait. L'école des fans, c'est peut-être là que tout a commencé avec Jacques Martin. Alors, donc, dans Libération, il y a un article qui nous explique que deux greluches ont levé 6,7 millions d'euros pour lancer cette appli de merde où on note son prochain. Bon, François Berléand, on fait quoi avec ces gens qui veulent noter? Alors, par exemple, là, vous quittez le studio, je vais vous noter comme invité. Bah ouais, vous allez nous noter, voilà. Ouais, non, mais moi, je suis absolument pas geek. Au-delà de ça, il y a une question de. Non, mais je sais pas, ça m'intéresse, je m'en fous. Ah oui, c'est vrai. Je rêve d'une application. Ah, voilà. Attention, si c'est une bonne idée. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Oui, attention. Voilà, ouais. Sur les champignons. Qu'on peut manger ou qu'on peut. Chazamon et champignons. Chazamon et champignons. Ça s'appelle un pharmacien. Oui, non, mais quand il n'y a pas de. Mais il ne faut pas se tromper dans la note. Quand il n'y a pas de pharmacien. Mais il ne faut pas se tromper dans la note. Jamais vous n'avez noté rien. Pas une recette Marmiton, un Uber, une chambre d'hôtel, un restaurant. Jamais. Ah, bah, j'ai noté. Une recette Marmiton, comment ça? Bah, je sais pas, une recette. C'est-à-dire, est-ce qu'on ne fait pas tout ça un petit peu dans la vie? Par exemple, vous avez dit, François Berléand, je veux vous noter comme invité. Il y a des gens qui sont sortis de ce studio, on s'est dit, bah, ceux-là, on les invitera plus. Pas du tout, vous, on est en train d'ailleurs penser que vous allez revenir très vite. Mais. Oui, parce que vraiment, votre pièce est tellement bien. Moi, j'ai beaucoup aimé. Ouais, bon, c'est Momo, Théâtre de Paris. Mais non, mais est-ce qu'on fait pas tout ça un petit peu ça? Oui, naturellement. Mais là, c'est le fait de le rendre public. C'est ça qui pose problème, évidemment. Et est-ce que les gens gardent leur identité ou c'est. Oui, tout à fait. Ah, c'est ça. Et alors, ça ne s'efface pas. Et celui qui a la moins bonne note, on fait quoi? On le bute ou comment ça se passe? Alors, moi, justement, je suis à la recherche d'une méthode. Sachez que dans cette application, il y a une option de géolocalisation qui permettra de repérer les personnes les mieux notées vivant à l'entour. J'ai aucune idée de à quoi ça sert. Mais sachez qu'en France, on est protégé. Avec des gens sympas. On est protégé par la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés, qui veille. Et chez nous, c'est une infraction à la loi, fort heureusement. Si vous voulez voir ces deux greluches qui ont levé de la Silicon Valley. La Silicon Valley, c'est un petit peu la vallée des cerveaux en silicone. C'est dans Libération aujourd'hui. J'ai le temps oui, parce qu'on note beaucoup les pièces de théâtre maintenant. Tout le monde peut donner son avis. Mm-hmm. Est-ce que vous trouvez ça bien ou plutôt pas bien? Oui, je trouve ça normal qu'on, à partir du moment où des gens payent. Mais avant, il y avait des critiques dont c'était le métier. Maintenant, mais les critiques sont toujours là. C'est vrai. Mais là, tout d'un coup, c'est critique de spectateurs. Mais après, il y a des. Elles sont pas si honnêtes que ça. C'est-à-dire que c'est souvent la concurrence aussi qui. Oui. Vous mettez 5 sur 5, en tout cas, à Momo, avec François Berléand, au Théâtre de Paris. The child crying all by himself. alone. He don't wanna live. He'll get along. I'm not often wrong. Mm. We get along through all of our lives. We get along through sorrows and strife. We get along through all of our lives. We get along through sorrows and strife. There was a storm of brewing up in the sky. We're stuck inside with the candlelight, but the sun is coming with all of his might. I'll know. We Get Along sur France Inter. Et pour bien commencer l'année, un moment Meurice, hein, c'est fin, ça se mange sans fin. Mais bien sûr, 2015 a été l'année du moment Meurice, et bien 2016 sera l'année du moment Meurice également. Et celui-ci, c'était le lobby du pétrole, un thème qui inspire beaucoup notre ami Guillaume. Oui, alors moi je me suis rendu ce matin à une conférence, figurez-vous, une conférence de presse organisée par l'Union Française des Industries Pétrolières. Elle avait lieu dans un hôtel particulier archi-luxueux situé juste à côté de l'ambassade d'Arabie Saoudite. C'est hasard. Dans la vie, parfois, c'est quand même fou. Alors, la conférence avait pour thème, je cite, « La place des hydrocarbures dans la transition énergétique ». Et je vous avoue que c'est le titre qui m'a attiré. J'adore ce genre de titre. C'est comme « La place de la pédophilie dans l'éveil sexuel des enfants ». Moi, ça m'intrigue toujours. Donc, je suis allé à la conférence et j'ai pas été déçu, car j'ai pu rencontrer le boss, le président du lobby pétrolier en France. Il s'appelle Francis Duzeux. Alors, j'ai bien écouté son discours. Il y a des choses qui m'ont intrigué. Par exemple, il a présenté la COP21 comme une religion. Pourquoi donc, Francis ? La religion, c'est que on met en avant unique toute la stratégie est dirigée vers le climat. Ah, mais la COP21, c'est sur le climat, oui. Oui, mais si les conclusions de la COP21, c'est je réduis mes émissions de 40%, ça veut dire qu'on va imposer ou mettre des taxes ou on va prendre des mesures. Oui. Bon, alors, si c'est que la France... Ça va rien changer au CO2 émis mondialement. Ah non, mais l'objectif, c'est que ça soit justement un accord international. Ah, alors toute la question est là. Ah, vous n'aviez pas compris ce que c'était la COP21. Si, enfin, peut-être pas comme ça. Ouais, non, même ça, pas du tout. C'est en fait. Quand même énorme. Le gars n'était pas au courant. Alors là, les communicants de l'Elysée, là, ça, je serais aux abois. Alors là. Moi, si je peux aider le roi du pétrole à piger un petit peu la COP21, moi, je le fais volontiers. Je peux pas croire qu'il fasse semblant de pas comprendre. Et moi, je veux qu'on parte sur des bonnes bases, hein, c'est important. Lui, il avait des choses à apprendre là-dessus. Nous, on a des choses à apprendre sur le lobby du pétrole. Saviez-vous, par exemple, qu'ils sont écolos dans ce lobby ? Vous le saviez ou pas ? On se doutait un peu. C'est Francis qui me l'a dit. Je crois qu'on est tous écologistes. Si vous voulez, on n'a pas envie des excès climatiques, on n'a pas envie que nos petits-enfants aient des problèmes majeurs de vie, de survie. Donc vous êtes écolo finalement ? Bah, écolo, ça dépend comment on le voit. Oui, je crois qu'il faut protéger l'environnement. Oui, je crois qu'on n'a pas le droit de dire tout ça c'est des conneries. Vous seriez prêt à adhérer à Greenpeace ? Peut-être pas, non. Non. Je testais quand même pour voir jusqu'où il était écolo. Bon, il n'est pas à fond, mais il est quand même. Les lobbyistes du pétrole ont même une sensibilité, vous saviez ça ? ça par contre. Eh ben, je vous l'apprends, je vous l'apprends. Nous, on se disait, c'est des gros bourrins qui veulent exploiter les sous-sols jusqu'à nous faire tous crever. Eh bien non, ils sont altruistes. Ils ont un cœur. Et quand on leur refuse d'aller exploiter le gaz de schiste, eh bien, ils ont du bobo dedans. Mais ce qui fait mal au cœur, en tant que professionnel du pétrole, c'est de se dire, pourquoi ne pas aller voir ce que le sous-sol possède? Ça vous fait mal au cœur? De certains écologistes qui disent « je veux plus de puits, je veux plus dans le sous-sol, vous polluez les nappes phréatiques ». Enfin, quand même, permets-toi de vous dire, les Américains, ils sont quand même pas complètement stupides. Alors, attends, on va peut-être s'arrêter là-dessus, quand même. Parce que là, on parle quand même d'un peuple qui a comme passion le rodéo et Katy Perry. Hein. Un peuple qui a peut-être 20 ans d'avance sur nous, mais qui a surtout 20 kilos d'avance par personne et par cuisse. Un peuple qui a en partie dit oui au gaz de schiste, même si cette extraction pose quand même pas mal de problèmes. Encore que, il paraît que c'est rien que des bêtises, n'est-ce pas Francis? Non, il y a eu quelques problèmes dans le passé, mais je crois que c'est terminé, ils contrôlent vraiment leur procédé. Avec le gaz de schiste, il n'y a plus de problème par exemple? En ce moment, c'est complètement sous contrôle. Hein. Sinon, les Américains ne le laisseraient pas faire. Vous croyez que le président Obama, il laisserait faire? Vous pensez mais que les Américains ne font jamais d'erreurs? Si, on en fait tout. Écoutez, ça va! Qui n'a jamais défoncé des nappes phréatiques par mégarde, quoi? Qui n'a jamais empoisonné les sols par inadvertance? Qui n'a jamais foutu en l'air les plus beaux paysages de son pays sans faire exprès? Soyez pas de mauvaise foi, enfin. Il faut sortir de cette bien-pensance. Il faut être optimiste. Sinon, on reste bloqué dans le passé. Tiens, démonstration avec Francis. Le problème principal du préfet de police en 1870, c'était l'accumulation de crottins de cheval dans les rues de Paris. Puis la voiture thermique est arrivée. Alors moi, par contre, je fais confiance aux ingénieurs au futur pour... Tout ça va changer. Il y a des tas de trucs qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Ah, donc ça va changer. Donc le pétrole, c'est pas l'avenir du tout, alors? Tout dépend de comment vous définissez l'avenir. Oui, c'est vrai, ah, c'est vrai. Alors si on définit l'avenir par toutes les choses qui sont déjà passées, bah là on est bon. Alors, on peut dire que le pétrole est une vraie énergie d'avenir. Hein. Du coup, c'est important de bien se mettre d'accord sur les termes, vous voyez. Parce que, bon, c'est vrai, on le sait, bientôt, il n'y aura plus de pétrole. Et moi, ça m'angoisse. Ça m'angoisse parce que ça veut dire que le lobby du pétrole sera ruiné. Et voilà, j'en ai parlé directement à Francis. Bon, ça veut dire que là, dans 100 ans, si ça se trouve, on ne se verra pas dans un hôtel particulier, mais au Flunch. Je vous l'ai dit, les grands pétroliers se convertissent. Ils vont dans le solaire, ils vont dans les algues, ils font autre chose. Oui, ce qu'ils aiment, c'est l'argent, c'est pas forcément le pétrole. Non, mais là, vous abordez le problème de la société capitaliste, alors là, c'est un vaste débat. Pour l'instant, le système est tel que si vous êtes dans un domaine donné, quel qu'il soit, et vous faites plus d'argent... Bah, vous mourrez. Et bah, voilà. Et si vous êtes dans l'industrie du pétrole, bah, non seulement vous mourrez, mais comme vous êtes altruiste et que vous avez un cœur, vous aurez pris soin auparavant de faire mourir par asphyxie tous les autres. Charline Vanhoenacker. Que je salue. Alex Vizorek. C'est quoi cette histoire? C'est. Si tu écoutes, j'annule tout. Sur France Inter. Et de Guillaume Meurice, on passe à Marthe Villalonga. Oh là là, je suis tombé amoureux. Ah oui, celle qu'on adopte très volontiers tous comme grand-mère. Exactement. Hein. On a parlé de François Hollande, qui devrait arriver sur le réseau social Snapchat. Alors, Marthe est connectée, mais sûr, il a quand même fallu expliquer ce que c'est que Snapchat. Toi, tu es en charge du mouvement qui va m'accompagner pendant ces prochaines semaines, pour permettre à ta génération, à votre génération, de rencontrer la plus belle joie qui soit, celle du changement, okay. Celle de la victoire, bad. Celle de l'espérance, in. Comme en 1980, okay. Pour ma génération, bad. Le plan numérique, in. C'est pas pour jouer. L'Elysée représente, wesh. François Hollande en duo avec le groupe Ottawan. Alors d'abord, non parce que c'est important, oui, hein, oui, c'est d'ici oui, une semaine oui. ou deux, c'est le même monsieur qui a eu l'idée de Lucette, qui a sans doute eu l'idée de Snapchat, faut bien s'en rendre compte. C'est quoi d'abord Snapchat? Bonne question, Marthe Villalonga. C'est une application disponible sur iTunes. iTunes. C'est une application qui permet de partager des photos et de les détourner. Par exemple, je peux faire votre photo et vous mettre une langue en arc-en-ciel, comme ça. Ah oui, c'est essentiel. C'est essentiel. C'est essentiel pour l'Elysée. D'accord. Et aussi des courtes vidéos. Hillary Clinton s'est inscrite au mois d'août et les candidats à la présidentielle américaine se sont inscrits sur Snapchat parce que ça touche les jeunes. Ils peuvent faire des petits messages. De 14 secondes. Les futures urnes. Parce que c'est un peu ça. Voilà, c'est un petit peu le message Kleenex. C'est très court et jetable. Alors, d'abord, je me demandais, Marthe Villalonga, est-ce que vous êtes un petit peu connectée? Il me semble que oui. Oui, madame. Ah. Oui.

dans son Bermuda bleu marine. Pauvre Hélène, chantée par Rock voisine. Seul sur le sable, les yeux dans l'eau. Ton rêve était trop beau. L'été qui s'achève, tu partiras. Quel enfoiré ce Rock voisine. Tout, tout pour ma Syrie, ma Syrie. Tout, tout pour ma Syrie. Moi, Bachar el-Assad, je vois vos barricades. Dissuader mon peuple fuyard, y'a plus simple. Une chanson Guy Béard pour un tube sur les frontières. Je verrais mieux Alain Barrière. Jean-Luc Lahaye, c'est un peu moyen. Je préfère si Barbe Lévien. Tout, tout pour ma Syrie, ma Syrie. Tout, tout pour ma Syrie, ma Syrie. Moi, Bachar el-Assad. Ha ha, quelle rigolade. Des réfugiés enfin pleins d'espoir dans les bras de Le Pen et Ménard, la Le Pen qui a déclaré qu'elle au moins se battrait contre Daesh. Déjà je l'entends appeler au secours d'Annie Briand. Ouais, j'ai perdu la tête depuis que j'ai vu Daesh. Je perds la mémoire, j'oublie les crimes de Bachar qui tue pour sa Syrie, il tue, oui c'est un tueur en Syrie. Merci Alex Vizorek. Mais merci, c'était très agréable de passer ces vacances de Noël en votre compagnie, Charlie Benoît. Oui, c'était très gai. Mais ça y est, on a redémarré l'année là. Ah bah là, on recommence. Sur les chapeaux de roue. Là, on recommence à lundi. Bah oui, évidemment, lundi, on sera en direct avec toute la bande et notamment Hippolyte Girardot. Et l'invité, ce sera Céline Salette. Tout de suite, on vous laisse dans les mains, les oreilles, les bras d'International.